pas mon rêve, exactement le bras. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Fils de voir mon âme, je te la vends dans l'état. Robinet qu'une escale, fils de putain, voilà toi. Avoir t'appelle au secours, l'honneur on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Oh, cette mouton, t'es noir, place à mes lèvres, hein. T'as pas de piston, t'es noir sur le Beretta. Ils ont fait contre nous, donc on emprunt les lois. Conférence sur les ballons, sinon fait que par les toits. Portion fermée, chat noir passera par les toits. En France comme dans la Schneckzer, négrette à l'étroit. Si tu fais des marmots, pense à être là. Sinon crache dans la maman, pense pas à l'éteint. Libérez-moi ces pites qu'on délore, mettre à l'entrejambe, c'est pas la taille de ma bite, c'est le 9 mm. Bang bang bang, fais pas de la tête aux pieds, en gros je m'arrête à la schneck. Argent ne fait pas le bonheur, on n'emplit pas l'assiette. Arrimez pas mon rêve, exactement les bras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. J'frappe comme Bruce Lee, Manichlas. Blanche, mon père de Stanislas. Bâtard, tu es quoi que tu fasses, Dieu ne t'a pas attribué de race. Oulbi, Amy, Amy, Vice. Tu es tellement loin dans le vide, tu m'aimes pas confortable. Réputé insortable, 800 mètres carrés habitable. Bitch, tabac, pète le diable. J'suis Copcor, Léon, Felipe. On se tire dessus, donne plus de job. Niquer des darons, c'est l'idée. Ils pensent Afrique, ils pensent soleil. J'pense au Nexus, Amistad. Mes petites filles, vivra ton époque. Quand une époque formidable. T'as beau t'appeler Tony M, Mani lui met dans le thème. Coupé, décalé, tchétchène, arme d'Ukraine. Sur la poitrine à Ultrême. Sois sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de pain. Tu me laisses croire que Dieu est grand. Je compterai pour toi plus jamais pour des kilogrammes. Je n'ai plus de love pour aucun. Pas toutes ces billets, je sais que tu en fais ma plaidée. Ton rire ouvre la mer en deux. Vois pas le quartier d'un bleu dans bleu, tu es ma lune. Demain tout ira bien, bien, demain tout ira bien. Car sans eux je ne suis rien, rien, sans eux je ne suis rien. Je ne suis là que pour elle, rien d'autre, le reste vaut pas la peine. Je perdrai tout pour lui. Je ne passerai jamais de l'amour à la haine.